see. Yeah, c'est quand tu fais baby. Viens, viens, viens. Sois d'accord. N'aie pas de remords. Car tu sais, et car tu sais. Ah, regarde le plaid. Regarde comment mon cœur ne sait pas d'où l'a muré. Regarde comment je suis devenu à cause de toi. Tous les mots que tu m'as dit, c'était achève-moi. Je ne peux plus oublier les sensations qu'on a passées ensemble. Laisse-moi une manière pour te dire comment je te désire, comment je te veux, comment je te veux. Reviens-moi, baby, laisse-moi. Give me your love, give me your love. Tcha, ha. Your car hit a place in all the car to the best beat. You the sex me that I need. You my mom's your body. You my sexy, sexy. Sex me in the place in you. How to take me time in there for you. You sex me, you the sex me. Oh my, kid party, you the man that sex me to doubt you. Got a time you pop be the busy. Pump, pump, clock, see the bring me no see you. Get a bring you, get a bring you. Yo, I love your body, shit in the hood. I gotta bring it, yo. Sex me again. Coming, coming. Hit the pod, hit the chain. We outside. Yeah, step, step. Can't be coming, coming. Up your palm, you go button up it. When I'm coming, I'll step on little later. He don't know the coming of the blunt, it's on it. He not again, again, again, again, the blunt, in the way. Who peut dit tout ça, où laisser ça, comme une carry fail. Pas jamais les touches, pas jamais les meilleurs. Meilleurs qui me posent la corde, car moi, moi, c'est fait. Moi, c'est vous dire toujours, mais toujours caresser. Oh, test me. Yeah, huh. Yeah, toi-même tu sais, toi-même tu sais, tu n'as qu'à venir, tu verras par toi-même, huh. Give me, mais où ça? Give me, viens, viens baby, où ça? La pose, tu sais, la pose que je te retourne, toutes les mêmes distributions, toutes les mêmes sensations. Et l'émotion que tu m'aimes trop revient. Regarde-moi, je veux finir par t'achever. Give me, baby. Give me, baby. Huh?